Si à voler, au range du marchand. Si à voler, au range du marchand. Non mais arrêtez, c'est pas moi, déjà parce que je suis black. Et en plus, moi si je fais ça, c'est pour nourrir toute ma famille. Parce que moi, je suis aussi gros qu'un sushi. Qui a volé l'orange du marchand. Qui a volé l'orange du marchand. Donc c'est parce que je suis black, ça y est, je suis un délinquant. Bah, puisque c'est ça, je vais faire comme Michael Jackson. Eh ben, c'est un grand blanc. Qui a volé l'orange du marchand. C'est pas parce que je suis japonais qu'on a volé une banque.